es un ami. Je suis mon parti. Ce sens à ma vie. Il m'aime plus en haut. Il m'a tout donné. Puis s'est effacé. Yeah.